Votre sélection débutera après cette publicité. Le gouvernement du Canada et les experts de la santé publique agissent pour protéger les Canadiens de la COVID-19. Protégez-vous et protégez les autres, surtout ceux avec des problèmes de santé et les adultes plus âgés. Lavez vos mains souvent. Évitez de toucher votre visage. Toussez ou éternuez dans votre bras et désinfectez les surfaces. Essayez d'éviter les endroits achalandés. Évitez tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada. Et si vous êtes malade, restez à la maison. Renseignez-vous au 1-833-784-4397. Message du gouvernement du Canada. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le long combat pour l'abolition de la traite des esclaves et de l'esclavage. Souvent, nous pensons au pays où il nous amène. Nous demandons dans la terreur quelle sera notre destinée. Les rumeurs les plus folles courent la cale. On dit que nous y serons gavés pour être mangés. Que notre peau servira de cuir à leurs souliers. Que nos os seront pilés pour fournir une poudre à vertu. Extrait du film « Passage du milieu » réalisé en 2001 par Guy Delaurier, les conditions dans lesquelles des millions d'hommes et de femmes victimes de la traite des esclaves vont traverser l'Atlantique dès le 16e siècle. Ces conditions-là sont absolument inhumaines et c'est devant tant d'inhumanité, justement, que les voix de l'abolitionnisme vont commencer à se faire entendre à peu près au même moment en France, aux États-Unis et en Angleterre. douze millions de morts en quatre siècles, sans doute deux ou trois fois plus, si l'on compte ceux qui, nombreux, ont été jetés par-dessus bord ou sont morts à fond de cale. La traite des Noirs, pratiquée par l'Amérique du Nord et plusieurs pays d'Europe, ne s'est arrêtée définitivement en France qu'en 1848, grâce en partie à l'opiniâtreté d'un homme, considéré comme injuste par certains, Victor Schœlcher, né il y a tout juste 200 ans, Marina Bertsch. Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves. C'est grâce à cet homme, Victor Schœlcher, humaniste épris de justice et républicain ardent, que l'esclavage a été aboli. Nous sommes le 27 avril 1848, le décret est signé de sa main. Comment tolérer que le suffrage universel en métropole cohabite avec l'esclavage dans les colonies? Il n'a jamais vu d'autre issue que l'abolition de la traite des Noirs. L'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, écrit Victor Schœlcher. La France compte alors 250 000 esclaves. Dans les plantations de canne à sucre, leur espérance de vie ne dépasse pas 5 à 6 ans après leur arrivée, un système qui a duré 4 siècles. En 1848, la toute jeune Deuxième République nomme un sous-secrétaire d'État aux colonies. Victor Schœlcher met en application son rêve de 20 ans et abolit l'esclavage en promettant aux colons des compensations financières. Depuis, la République lui a offert son panthéon où repose sa dépouille. Aux Antilles, Victor Schœlcher est un héros. École et bibliothèque portent son nom. Une mythologie populaire est née autour de son personnage. Extrait du journal télévisé français Soir 3 du 2 juillet 2004, jour du 200e anniversaire de naissance de Victor Schœlcher, l'homme derrière le décret abolissant officiellement et définitivement l'esclavage en France en 1848, pour nous décrire ce long combat qui va conduire à l'abolition de la traite des esclaves et de l'esclavage. Je reçois l'historien Régis Courcin, qui est chercheur postdoctoral au Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal. Régis Courcin, bonjour. Bonjour. Le mouvement, donc, ce mouvement pour l'abolition de la traite des esclaves et de l'esclavage apparaît à peu près au même moment où cette mécanique-là, la mécanique esclavagiste, est pourtant à son pic, à son apogée. Il y a apparence de contradiction. Comment expliquer que ce mouvement apparaisse au moment, justement, où ce système-là est si prospère? Parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Oui, tout à fait. Alors, selon moi, il y a deux choses importantes à avoir en tête. Donc, le passage à dimension individuelle, à dimension collective de la lutte contre la traite et l'esclavage, d'abord. Et ensuite, le fait que cette action collective ait été de dimension transatlantique, c'est-à-dire qu'elle s'est déployée simultanément dans l'Empire britannique et français, soit les deux empires, finalement, qui concentrent à eux seuls près de 60% de la traite atlantique au XVIIIe siècle. Elle a eu entre autres comme figure de proue Anthony Bénezet en Amérique, Thomas Clarkson en Angleterre et Jacques-Pierre Brissot en France. Ouais. Et il y a, il faut le dire, puis on y reviendra, mais il y a un mouvement révolutionnaire en place des deux côtés de l'Atlantique. Et ça, ça va aussi nourrir ce mouvement des abolitionnistes, Révolution française du côté de la France, Révolution américaine du côté des États-Unis. Parlons avant de commencer à parler de ce mouvement, de comment il va se construire et prendre la force, ce mouvement abolitionniste. Parlons un petit peu de ce que c'est ce système-là à son apogée, justement, en écoutant d'abord, à nouveau, un extrait du film de Guy Deslauriers, Passage du milieu. C'est là, dans cette promiscuité, dans cette étuve de la cale, dans le tangage et le roulis, dans le vomi qui s'ensuivra. Dans nos crachats et nos pissas. Dans nos plaies purulentes. Que se développèrent les premiers signes de la première épidémie. Était-ce la dysenterie, le scorbut, la fièvre jaune? Était-ce la variole? Cela n'a pas d'importance. Donc, on l'entend bien dans cet extrait, l'inhumanité de cette mécanique esclavagiste, elle commence au moment même de la traversée. Qu'est-ce que ça représente, ce système ou cette mécanique de traite des esclaves, au moment de son apogée, justement, au moment où, on l'a dit, paradoxalement, va commencer à se mettre en place le mouvement pour l'abolition de la traite des esclaves. Faites-nous le portrait de ce que c'est ce système-là à ce moment-là. Alors, déjà, avant tout, je pense qu'il est peut-être utile de préciser que à côté de la traite atlantique, il a existé d'autres types de traites dans le temps et dans l'espace, comme la traite orientale, par exemple, qui alimentait l'Afrique du Nord et la péninsule arabique en esclaves africains à peu près du 7e au 19e siècle. Alors, pour ce qui est de la traite atlantique, elle concorde avec la colonisation du continent américain par les Européens, donc espagnols et portugais en premier lieu, le but étant de disposer d'une importante main-d'œuvre afin d'exploiter les mines et les plantations sucrières. Alors, à titre d'exemple, des 300 000 esclaves africains qui sont déportés en Amérique au XVIe siècle, la moitié l'a été au Brésil. Ouais. Donc les Français et les Anglais se sont intéressés le siècle suivant à ce commerce très très lucratif et s'y consacrent entièrement à la fin du XVIIIe siècle à tel point que qu'au XVIIIe les deux empires sont les véritables moteurs de ce commerce qui atteint son apogée dans la décennie 1780. Alors pour donner une estimation, pour chiffrer, ce qui est toujours délicat, mais le chiffre de 12 millions d'Africains et d'Africaines ayant été déportés vers l'Amérique fait de nos jours consensus, dont à peu près 60% dans l'hémisphère nord du continent américain, en considérant à peu près que 1,5 million d'entre eux n'ont pas survécu au passage du milieu. Oui. Alors revenons, ça c'est l'horrible portrait de cette mécanique esclavagiste, de ce système de traite atlantique au moment de son apogée. En même temps, donc, commence à poindre un mouvement pour l'abolition de cette traite d'esclaves. Parlez-nous du contexte, Régis Courcin. Dans quel contexte naît justement ce mouvement abolitionniste? Alors, l'abolitionnisme s'avère une forme de contestation de la traite et de l'esclavage qui vient de l'Occident, mais bien entendu, des résistances apparaissent bien avant et des esclaves eux-mêmes. Alors, notamment à la fin du XVIIe siècle et au début du siècle suivant, c'est un siècle qui est très marqué par une multiplication des insurrections d'esclaves. À partir de ce moment, la littérature européenne commence à s'intéresser à leur sort et dénonce leurs conditions de vie. Alors, elle ouvre la voie à ces grands philosophes des Lumières qui vont relayer la question noire en métropole, comme c'est le cas de Diderot, de Rousseau ou de Voltaire, par exemple. Alors, Donc, il y a une littérature, il y a, dans ce grand brassage d'idées des Lumières, il y a des voix qui se font entendre, il y a des textes qui sont écrits et qui parlent de cette question, de cette infamie qu'est l'esclavage. Exactement. Donc, la métropole va commencer à en prendre conscience. Et puis, il y a la Révolution américaine. Il y a la Révolution américaine et la Révolution française, surtout, qui va déclencher une vague de révolte d'esclaves sans précédent à Saint-Domingue, surtout. Saint-Domingue qui deviendra, en 1804, la République d'Haïti. Oui, et qui se libère de, justement de l'esclavagisme en même temps qu'elle se donne, que les Haïtiens se donnent un pays. On va regarder un peu comment évolue tout ça sur les différents fronts qui vont embrasser ce mouvement abolitionniste, les États-Unis, l'Angleterre, la France. Commençons par les États-Unis, en parlant des Quakers, la communauté des Quakers, qui va être au centre de ce combat-là. Quel rôle, peut-être nous rappeler d'abord qui ils sont, les Quakers, puis quel rôle ils vont jouer dans ce mouvement-là. Les Quakers sont une communauté religieuse donc dissidente de l'Église anglicane qui apparaît au XVIIe siècle. Donc son culte repose sur une communion immédiate avec Dieu. Donc le rejet d'un clergé professionnel. Ils prônent le pacifisme, la simplicité matérielle, la simplicité morale aussi, l'égalitarisme, d'où leur nom de Société des Amis. Alors historiquement, ils vont fuir les persécutions religieuses en Angleterre. Et trouveront refuge en Amérique et notamment en Pennsylvanie. Ils prennent rapidement en fait conscience du sort des esclaves et s'attellent à améliorer leurs conditions. Chose importante, ils veulent concorder leurs actes avec leurs idées, ce qui est loin d'être anecdotique puisque, comme nous le savons peut-être, chrétiens avant eux et humanistes après eux s'inventeront des justifications morales pour contredire leurs idées et pratiquer l'esclavage. Ouais. Alors, pour ce qui est de leur militantisme, rapidement, ils mènent une campagne anti-esclavagiste dans les années 1760, fondent la première société abolitionniste en 1775 à Philadelphie. Et plus significatif encore, ils interdisent l'esclavage au sein de leur communauté, interdiction qui sera pleinement effective en 1780. Oui. Je le disais, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ce combat pour l'abolition de la traite et de l'esclavage va jouer dans quelques pays. Vous nous avez parlé des Quakers aux États-Unis, ça se mène ce combat-là aussi en France et en Angleterre, sur différents fronts. Allons-y peut-être un peu systématiquement avec le front social d'abord, parce qu'il y a des choses importantes à dire là-dessus. Quelle forme va prendre le combat abolitionniste sur le front social dans ces différents pays? Alors, aux États-Unis, donc via la communauté Quaker, donc avant 1775, on peut dire que la communauté Quaker poursuit une stratégie qu'on peut appeler de privatiste. C'est-à-dire que l'émancipation des esclaves va se dérouler à l'intérieur de la communauté, donc par pression sociale et par pression morale. C'est-à-dire que tous les membres de la communauté qui ne vont pas se plier à l'émancipation en fait de leurs esclaves, ils vont être tout simplement bannis. La communauté Quaker va aussi défier les législations des États qui vont interdire les affranchissements privés, dont celle de Caroline du Nord et de Caroline du Sud aussi notamment. Donc pour ce qui est de la société abolitionniste de Pennsylvanie, elle va adopter une stratégie qu'on peut appeler de plus civile finalement. À la fois parce que ses membres vont apporter une aide sociale, une aide médicale et pédagogique aux Noirs affranchis, premièrement, et ils vont aussi négocier auprès donc, des propriétaires d'esclaves en fuite pour affranchir les esclaves. Ouais. Donc l'accompagnement, de l'encadrement, du soutien. Exactement. Ouais. Et peut-être une chose aussi intéressante, dernière chose, c'est qu'ils vont mener un combat juridique aussi pour les libérer. En cas de kidnapping et de réasservissement. Ce qui nécessite d'ailleurs toute une enquête pour, de leur part pour prouver qu'ils étaient effectivement bel et bien libres à la base. Ouais. Et en Angleterre, on va retrouver, ce ne sont pas les Quakers là-bas, mais ce même genre d'encadrement et d'aide des associations qui vont venir en aide, au fond, qui vont embrasser cette cause d'abolitionnisme. Effectivement. Alors, il y a une communauté qui va se créer en 1786 qui s'appelle le Communauté pour le soulagement des Noirs pauvres. Alors ici, l'objectif est de venir en aide aux Noirs qui s'étaient battus donc dans le camp loyaliste lors de la Révolution américaine. Alors, c'est justement Noirs affranchis vont immigrer en Angleterre après l'indépendance américaine et ils vont vivre dans la misère, faute de travail. Ouais. Alors, ce comité-là va leur offrir une assistance matérielle essentiellement, donc fournir de la nourriture, des vêtements et une aide médicale. Ouais. Autre front important, à côté de ce front social qu'on vient d'examiner, ce qu'on peut appeler le front moral. Il y a différentes initiatives de sensibilisation, entre autres, qui vont également prendre forme. L'éducation va très, très vite devenir une priorité pour le mouvement abolitionniste. Pourquoi et de quelle manière, quelle forme ça prendra? Oui, alors il y a deux volets, on peut dire, pour les abolitionnistes en termes de justement de ce front moral. Effectivement, l'éducation des Noirs affranchis. Alors, des écoles vont être créées aux États-Unis afin de leur fournir ce que les abolitionnistes finalement considèrent comme étant les aptitudes professionnelles mais aussi morale de base, c'est-à-dire finalement lire, écrire, compter, mais le tout dans le cadre d'un enseignement religieux. L'idée partagée finalement par tous les abolitionnistes, c'est qu'il faut les élever par l'instruction, mais aussi par la religion, au rang des hommes. Ouais. Alors ceci est aussi très révélateur de leur politique finalement qu'on appelle gradualiste en matière d'abolition et d'esclavage, c'est que ces abolitionnistes pensent que les esclaves noirs ne sont pas encore mûrs pour la liberté et que pour cela il est nécessaire de les y préparer. Alors, le deuxième volet aussi du front moral, c'est la sensibilisation de l'opinion, bien sûr. Il s'agit de révéler les atrocités de la traite et de l'esclavage et de montrer, finalement, sur la base d'arguments à la fois religieux et philosophiques, en quoi ces atrocités mettent au jour les vices de la nation et la violation des droits naturels des hommes. Ouais. Une initiative qui, en préparant le dossier, moi j'ignorais ça complètement, mais qui est vraiment intéressante. En Angleterre, on va organiser une campagne qu'on va appeler la campagne anti-saccharite en 1791, qui est au fond, Régis Courcin, sur la question de l'abolition de la traite des esclaves et de l'esclavage, qui est au fond une campagne d'appel à la consommation responsable. Exactement. Alors, en 1791. Eh oui, déjà. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la traite et l'esclavage ont été la pierre angulaire de la première agriculture finalement industrielle en Occident. Donc on peut se retrouver aussi déjà là-bas, à cette époque-là. Les consommateurs européens, en plus, à cette époque, raffolent de produits exotiques. Ils raffolent de sucre, de cacao et de café. C'est pourquoi le mouvement anti-saccharide, donc finalement, qui s'est développé en 1791 en Angleterre, va demander aux familles anglaises de ne pas acheter de sucre en provenance des colonies. Donc là, on est vraiment dans la consommation responsable. Ouais, puisqu'on exploite des esclaves là-bas. Exactement. Donc, boycottons ce produit. Tout à fait. Donc, il y aura véritablement une emphase mise sur deux types de produits, des produits serviles et des produits libres. Alors, il y aura même, à ce niveau-là, des projets de culture sucrière reposant sur une main-d'œuvre donc libre en Sierra Leone. Un projet également de commercialisation de sirop d'érable en Pennsylvanie et en France durant la Révolution française, mais tous ces projets vont échouer. Un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec tout ce courant d'agriculture, de commerce équitable, en fait. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. C'est un peu le commerce équitable avant l'heure. Ouais. Revenons au troisième front sur lequel va se développer ce mouvement abolitionniste, le front politique, évidemment, ce qui nous ramène, évidemment aussi, à la Révolution française. Alors, exactement. Pendant donc, la Révolution française, des députés comme Mirabeau et comme Brissot vont plaider la cause abolitionniste auprès de l'Assemblée nationale. La Constitution de 1791 va écrire, finalement, que la déclaration des droits de l'homme n'est pas valable pour les citoyens des colonies. Ouais. Et il faudra attendre donc plus tard pour que la France accorde les mêmes droits aux Noirs libres et en 1794 pour que l'esclavage soit entièrement aboli, même s'il sera rétabli par Napoléon en 1802. Alors, ce qui concerne pour les États-Unis, l'abolitionnisme s'appuie sur la tradition anglo-saxonne des pétitions. Les Quakers, donc encore eux, seront les principaux acteurs puisqu'ils vont déposer plusieurs pétitions dans les assemblées coloniales, parlement britannique, puis devant le Congrès continental pour demander une abolition de la traite et de l'esclavage. En Grande-Bretagne, eh bien, la société abolitionniste londonienne va reprendre finalement cette stratégie des pétitions. En 1787, est lancée la pétition de Manchester. Alors, le comité abolitionniste rassemble d'abord 10 000 signatures et parvient à multiplier par 5 après l'avoir diffusée dans les journaux. Lors de la deuxième campagne d'envergure en 1791, on décompte plus de 400 pétitions et plus de 400 000 signataires. Alors, les pétitions seront déposées au Parlement britannique. Et pour se faire une idée, entre 1791 et 1807, date donc de l'abolition de la traite en Grande-Bretagne, à peu près 12 projets de loi sont déposés aux communes. Et il faudra une stratégie finalement dans les deux chambres pour que l'un d'entre eux soit validé à la Chambre des Lords. Et c'est donc en Angleterre, en 1807, qu'on abolit pour la première fois. Enfin, c'est le premier pays qui abolit la traite des esclaves. Les États-Unis suivent en 1808, la France quelques années plus tard. Ça ne veut pas dire pour autant l'abolition de la traite, de l'esclavage, Régis Courcin, qu'il n'y a plus d'esclavage. Exactement. Donc l'esclavage va continuer à peu près jusqu'à, il faut rajouter au moins un demi-siècle. Ouais. Ça faisait partie finalement de la stratégie des abolitionnistes. C'est-à-dire qu'il leur semblait beaucoup plus facile de commencer par la traite, donc par le commerce d'esclaves, qui selon eux était un angle beaucoup plus facile, donc au niveau de l'opinion publique, du gouvernement et même des planteurs. Ouais. Et donc, leur stratégie, c'était finalement de couper, au final, toute possibilité pour les esclavagistes d'avoir une nouvelle main-d'œuvre, sachant que l'espérance de vie de la main-d'œuvre esclavagiste était évaluée entre 5 et 10 ans. Donc, au fond, puisqu'il n'y a plus de commerce possible, on vous permet de continuer d'exploiter, entre guillemets, vos esclaves, mais à terme, c'est la fin de l'esclavagisme. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à cette question de l'esclavage? Où en sont les pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou la France, par rapport à leur passé esclavagiste? Ça, c'est une autre grande question. Ce sera donc le 10 mai. Jacques Chirac a officiellement retenu cette date pour commémorer chaque année, en France métropolitaine, le souvenir de l'abolition de l'esclavage. Il l'a annoncé ce matin à l'Élysée. Au moment où la « question noire » entre guillemets s'impose dans le débat public, le président de la République souhaite ainsi que soit honorée la mémoire des millions d'Africains victimes de la traite. Reportage Daniel Wolfrom, Véronique Saint-Olive. Des journées comme celle-là méritent bien la photo. Des Noirs descendants d'esclaves sous les lambris de l'Élysée pour écouter le chef de l'État proclamer le 10 mai, journée de commémoration de l'esclavage. C'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire. Une mémoire qui doit être véritablement partagée. Bien attentive dans la salle, Christiane Taubira, la députée de Guyane. Par sa loi, le 10 mai 2001, la France devint le premier pays au monde à reconnaître l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité. L'enjeu, c'est que la France vraiment se réconcilie avec son histoire, qu'elle en tire tous les enseignements et que dans la conscience et dans la mémoire française, on inscrive ce qui est nécessaire pour comprendre la place de ceux qui aujourd'hui sont français mais viennent de l'ancien empire colonial français. Nous allons veiller à ce que les paroles se traduisent en actes. Vous avez travaillé combien? Ça a duré combien? Une année. Puis Jacques Chirac s'est fait pédagogue avec des groupes d'élèves, évoquant l'esclavage part d'ombre de l'histoire de France. Surtout que c'est un sujet qui commence à beaucoup intéresser les Français, qui au fond l'ignorer en règle générale. Extrait du journal télévisé de France 2 du 20 janvier 2006, le jour où le président français de l'époque, Jacques Chirac, annonçait que le 10 mai serait désormais en France la journée de commémoration de l'esclavage. Où en est aujourd'hui le monde par rapport à cette question de l'esclavage, Régis Courson? Alors effectivement, nombreuses sont les initiatives pour alimenter ce nécessaire travail de mémoire, donc pour retenir les leçons de l'histoire. Donc le plus significatif peut-être, c'est celui des Nations Unies qui, en 2001, font de la traite et de l'esclavage un crime contre l'humanité. Ouais. Donc la France leur emboîte le pas, comme on l'a vu, puisqu'elle vote la même année la loi Taubira, qui reconnaît la traite négrière transatlantique et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Donc cette loi va rentrer dans finalement l'éventail de lois mémorielles votées par la France, dénonçant les silences de l'histoire officielle à côté de la déportation des Juifs et de la guerre d'Algérie aussi notamment. Mais bien évidemment, la démarche pour moi doit être saluée dans son esprit, mais elle s'avère aussi particulièrement délicate en pratique, puisqu'elle montre aussi une instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques, ouais, et par extension une remise en cause de l'autonomie de l'historien. Or, le politique n'est pas qualifié pour décider de ce qui est vrai en histoire et de ce qui n'est pas. Disons que la dérive, pour certains historiens, est dangereuse. Ouais. Régis Courson, il faut s'arrêter là-dessus. Historien, chercheur postdoctoral au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.